n'est pas un test. Ceci est un disque. British Connection. Je te juge, bêta contre moi. Oulala! Déchire ton perfecto. Deuxième partie de British Connection, votre émission rock. Momo Frag fait sa British Connection. Salut Momo. Eh oui, salut, salut, le retour. Alors Fraggle Product serait de retour. Oui, oui, oui, de retour. Alors Fraggle Product, c'est quoi ? Fraggle Product, c'est un petit label de cassettes, hein, donc une sacrée petite niche. À l'époque, bon, en fait, Fraggle a commencé en 87, donc à l'époque, la cassette était très développée quand même. C'était quand même le moyen relativement économique de produire des choses, quoi. Ah ouais. Donc voilà, donc voilà. C'est très artisanal, quoi. Ah, c'est du do it yourself, comme ouais, on dit. Ouais, c'est ça. Un vrai truc que pont, quoi. Ouais. Et donc, dans Fraggle Product, tu fais ta British Connection aujourd'hui. On va écouter des morceaux des différentes cassettes. Tu vas nous en parler. Tu vas nous parler de la cassette de Super Sports également qui vient de sortir. Ouais. C'est le retour de Fraggle Product. Bah oui, exactement. C'est voilà, c'est des gens qui m'ont donné envie de recommencer et de remettre ça un petit peu. Voilà, vu que la cassette revient légèrement. Ouais. Voilà, il y a quelques personnes qui aiment bien ça. Donc, tu crois au retour de la cassette dans les voitures, l'autoradio, non ? Non, j'y crois pas du tout. Bon, après, on croyait pas au vinyle. Le vinyle est revenu en force, quoi. Mais non, j'y crois pas du tout. C'est pour vraiment plutôt les collectionneurs. Et voilà. Alors, on prévient les auditeurs tout de suite. Parfois, le son va être pourri. Ah ouais, c'est d'époque. Hein. C'est du son. Déjà, à l'époque, déjà, c'était pourri. Hein. Déjà, c'était pourri. Donc, vous risquez d'avoir des morceaux pourris, pourris de chez pourris. Ouais. Un premier morceau du groupe Flagrant Délit, extrait de quelle cassette, donc ? Alors, Flagrant Délit, c'est un groupe de trap. Donc c'est extrait de la cassette, la première compilation qui est sortie en 87, c'est la compilation qui s'appelait Les héros du pop sont sans bretelles. Donc en référence aux héros du pop, le sont immortels. Et voilà, et donc on va s'écouter tout de suite, histoire de se mettre un peu dans le bain. Avec le titre Flagrant délit avec la ville psychiatrique. je vais m'étrangler. Pour le corps, dans la ville psychiatrique, un bon. on vous avait prévenu, le son est pourri. Alors, tout ne sera pas pourri. Ouais, plus on avance dans le temps, en fait, c'était un peu plus sérieux. Quoi. Là, vraiment, la première cassette, c'est vraiment... Alors, c'était quelle année, cette première cassette ? Donc ça, c'est 87. Hein. 87, donc voilà, une époque... Tiens, l'année de mon armée, dis donc, 87. Ah ouais, oh, bah la voilà. Vache. Eh ben oui. Alors, sur cette même compilation, il y avait un groupe, les Waterloo. Tu peux nous en parler un petit peu ? Bah écoute, c'est un rapport avec British aussi, de toute façon. C'est vrai, tu peux le dire. Les Waterloo, c'était Bad Kampf. Un auditeur. Un auditeur qui faisait des dessins, tout ça. Et puis, il s'est mis à monter des groupes à gogo. Quoi. Il a monté plein de petits trucs, plein de petits groupes maison. Quoi. Donc, et donc, il était assez productif. D'accord. Alors là, c'est un morceau. Ce soir à la télé, les paroles sont exceptionnelles. Ah, ce soir à la télé, ouais, ça nous parle de cette époque-là. Donc voilà, pour les vieux comme nous, vous allez vous rappeler un peu de tout ça, c'est plutôt pas mal. Allez, les Waterloo dans British Connection ce soir. Les Waterloo, sorry. C'est toujours dans les bugs, Récrade et Dorothée. Y'a rien de pire que ça trogne. Michel Drucker, face de taré, présentait Champs-Élysées, tandis que ça bâtit l'enc*** se marrait de tout son dentier. Les enfants du rock sur Antenne 2, c'est un truc pour les bœufs. Les films de cul sont tout brouillés. Sur Canal Plus, c'est détraqué. C'est pas encore sur nos écrans qu'on verra des trucs géants. Les berruriers chez Drucker, Miss Monde et son derrière. Vraiment, la télé fait gerber. Y'a de quoi paniquer. Vraiment, les boules, je chope. Je vais m'acheter un magnétoscope. Les berruriers chez Drucker, Miss Monde et son derrière. Robert Smith, le frappé de l'overdose, s'est shooté sur la 5 et Fonzi et son cuir qui est pull pourri. C'est pas encore pour demain qu'on verra des trucs bien. La télé me fait paniquer, y'a vraiment de quoi gerber. Vraiment les boules je chope, je vais m'acheter un magnétoscope. Vraiment les boules je chope, je vais m'acheter un magnétoscope. Pierrot des Waterloo, j'écoute Philippe et son émission British Connection, et ma foi, je dois bien avouer que j'aime ça. On peut plus fumer dans les bars. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On peut plus rouler avec tous ces radars. Les impôts augmentent sans arrêt. Mais bon sang, bientôt, on va payer pour respirer. Oh, au moins, quand j'écoute British Connection, je passe un bon moment. Je découvre de sacrés bons groupes et c'est gratos. Okay. qu'est-ce que je vais devenir? Oh merde, je veux puer. Je veux être un peu. Te décourage pas, tu y es presque. Trouve-toi un vieux mover craqué, une pervers doc morflé. J'y arrive pas, je me suis. Énorme ce truc, je me souvenais pas. Eh les amis, vous allez passer une heure bien destroy, franchement, il n'y a que des trucs comme ça, hein, donc ça c'est bon. C'était... Mais après c'était les débuts, c'était plutôt des trucs un peu n'importe quoi en fait, ouais, c'était pas vraiment des super groupes, les deux premières cassettes, enfin bon voilà quoi, c'était quand même... Donc là c'était quoi, Oxyde 108, je veux être punk. Hein. Ouais, c'était un pote qui était en classe avec moi et qui m'a dit attends je vais te faire un morceau pour tes compiles. c'était bon. C'était alors, très bon. Ensuite, donc ça c'est extrait de la compile Gros Piaf Mouvant en fait, et c'est très marrant parce que en fait je viens de m'apercevoir un truc il y a deux jours, c'est que sur le titre Gros Piaf Mouvant j'ai fait une faute d'orthographe et personne m'a jamais rien dit 30 ans après. 30 ans faut après. Le faire quand même, il y a trois mots et il y a une faute d'orthographe dans les trois mots quoi. Ah, c'est pas mal, c'est donc, pas mal. Donc Mouvant, j'ai écrit ENT au lieu de ANT, vraiment la honte. Comment on peut trouver Fraggle Product sur Internet? Là, j'ai ouvert un petit site Facebook, en fait. Ouais, tout donc, simplement. Vous tapez Fraggle Product et vous allez tomber sur le site voilà, où je passe, je mets pas mal de trucs. Je mets les cassettes, je mets les fanzines, je mets voilà, tout ce qui est en rapport avec Fraggle. Quoi. Tiens, on vient de faire une petite photo tous les deux dans le studio avec l'affiche, le logo officiel de Fraggle Product d'époque. Allez sur la page Facebook de British Connection. Tout gardé. Ah ouais, c'est fou. J'ai des dossiers pleins, même j'ai les lettres des gens qui m'ont acheté les cassettes. Enfin, j'ai tout gardé. Ouais. C'est de la folie. Alors Gros Piaf maintenant. Gros Piaf. Donc Gros Piaf Mouvant. Bah écoute, c'est une cassette. C'est la deuxième compile. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, moi, j'ai sorti de 87 à 92, j'ai sorti 11 cassettes et donc 8 compiles. J'ai fait 8 compiles, 2 démos, donc un nouveau groupe là qui vient de sortir. Et j'avais fait 3 VHS des vidéos quoi. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Et donc Gros Piaf Mouvant, bah c'est en rapport à Gougnaf Mouvante. Et là, on va s'écouter un morceau de Aspidistra. Et en fait, Aspidistra, ils avaient sorti, ils avaient été sur des compiles précédemment. Et c'est ces compiles-là qui m'ont inspiré, j'ai un peu copié. C'était un label qui s'appelait Gogol Max. Et Gogol Max, ça, ils ont existé de 85 à 88. Et ils ont sorti la compilation Claco sans trans, donc K.O. en France. Et ils ont sorti aussi Cornetto pour dégonfler, concerto pour détraquer. Et après, ils ont sorti des démos de Piccolo Reaction et de Aspidistra. Donc Aspidistra, on va se les écouter. J'ai réussi à les avoir sur cette compile. Et le morceau, c'est Politicien. Politique, dans la chaussure, le champ à la marseille. dans British Connection. Momo Frag fait son émission. Et oui, on sort les cassettes et on réédite. Voilà, c'est, on est ensemble. On fait les poussières même. On fait les poussières. voilà. Alors, une nouvelle compilation. Et bien là, on passe en 1988. Donc en 87, j'ai sorti deux compiles. Mm-hmm. Et en 88, ben, j'en ai ressorti deux, dont la première de 88, c'est Sur des chardons piquants. Donc ça, c'est un truc de, sur des charbons ardents de OTH. Voilà, ouais. Donc c'est une compile où il y a 21 groupes dessus. Quoi, 21 groupes. Et j'ai fait une petite présentation à l'époque. Alors ça, c'est bon. Ça dure 15 secondes. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, dans les, toutes mes premières compiles, en fait, il y a des petits jingles entre chaque morceau, des trucs d'émission, de films. Et là, sur celle-là, et la suivante, j'avais fait un petit jingle pour d'entrée de présentation. Ah, c'est artisanal. Hein, c'est artisanal. C'est du fait maison, voilà, fait dans la chambre. Fraggle Product présente Sur des chardons piquants. Et puis, je vous rappelle le titre principal de cette édition. Mireille Mathieu se suicide d'une balle dans la tête. La balle ricoche toujours. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Et oui, il n'y a que dans British Connection que vous écoutez tout ça. Ah ça c'est, ouais, c'est rarissime. Nulle part ailleurs. Hein. Ah ça c'est clair et net. Alors les brancardiers d'ailleurs, d'ailleurs nulle part ailleurs dans cette compile là, toutes les petits jingles entre les morceaux, c'est des jingles des nuls en fait. Oui, oui. J'avais repiqué. Ah, ouais. Voilà. Donc les brancardiers à l'instant sous les ponts. C'était les brancardiers sous les ponts. Et on va poursuivre avec un groupe anglais qui s'appelle Mega City 4. C'était un mec d'un label qui m'avait envoyé plein de groupes anglais. Du coup, je les avais récupérés et je les avais mis sur mes compiles. Groupe connu quand même, hein, Mega City 4. Ouais, c'est assez connu. Ouais. Donc je sais même pas si eux, ils étaient au courant qu'ils étaient sur la compile. Mega City 4 avec Shattered. We'll be right back. Voilà, on va poursuivre avec la quatrième compile qui est sortie donc en 88, hein, Bock Beer Rorix, 21 groupes. Sur cette compile, il y avait donc Profit Text qu'on va se passer juste derrière avec Ma Première Boom. Ensuite, Peugrou, voilà, avec Dans la Forêt Bleue. Et juste en début de cassette, il y avait une intro qui était donc Bock Beer Rorix, c'est Rock Terroriste de N-Brigade. Donc j'avais fait une petite reprise de N-Brigade juste avant l'intro. On a vite envie de rôter, on perd sa moque. On perd sa moque. On perd sa moque. Bock Beer Rorix. British Connection. Yeah. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de cet album de la semaine. C'est un EP, c'est le dernier Acide Gras. Ah là là, Jean Castex, oui. On s'est rencontrés il y a très très longtemps, le JC, c'était au Forum de Davos. On a vraiment passé un agréable moment, on a mangé beaucoup de sandwichs ensemble. Et pour la petite anecdote, la soirée a fini assez tard, hein. il faisait jour. Et c'est le moment où JC m'a regardé dans les yeux et m'a dit... Et là, je me suis dit, voilà, titre. Donc voilà, on vous laisse avec Jean Castex.